Bonjour Serena. Bonjour Paula. Est-ce que tu préfères le rock ou le rock? What? Il y a une subtilité. Le rock. Ok, d'accord. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchorman does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Wouh! Ah, bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 33, nous allons vous parler de Rock of Ages, Rock Forever en français, sorti en 2012, réalisé par Adam Shankman, où Tom Cruise joue le rôle de Stacy Jacks. Waouh! Voilà, bah, ça va être du rock et du rock. Hein. Après, est-ce que ça va être du bon rock ou pas du bon rock? Nous, on va savoir ça plus tard. Mais du coup, avant tout ça, Serena, avais-tu déjà vu ce film? Non. Avais-tu envie de le voir? T'étais déjà dans le doute avant. À vrai dire, j'étais déjà dans les doutes parce que j'ai un peu regardé la bande-annonce. Erreur. Ouais, erreur de débutant. Et j'ai fait un non. Mais bon. Peut-être que la bande-annonce était nulle. Oui, voilà, ça arrive. Voilà. Mmh. Et toi ? Et moi, je ne l'avais pas vu. Et j'avoue que j'avais une énorme attente sur ce film. Parce que c'était le. Dans le film que j'avais pas vu, c'était celui qui me surprenait le plus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc ? Ouais. Rock of Ages, c'est une comédie musicale, c'est un film sur le rock. Je n'en avais jamais entendu parler, je savais pas. Donc j'étais hyper, hyper chaud. Pour ce film. Ouais, bien. T'as vu un peu ? Ouais. Et je l'ai vu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va se faire un petit résumé. Résumé, on va dire, c'est facile. Hein. Chanson, bar, histoire d'amour, séparation, re-chanson, rock'n'roll, un singe, et puis voilà quoi. Voilà. En avant ? Allez, en avant. C'est parti. Nous commençons avec une voix off qui dit « Et maintenant, sur la scène du Bourbon Room, Stacy Jack de Arsenal !» 1987. Chérie, une jeune fille de l'Oklahoma est sur un bus pour aller à Los Angeles. Elle regarde ses disques, ses vinyles. Oui, elle a sa petite poche de vinyle, c'est très pratique. Elle a toute poche de vinyle avec, sur chaque vinyle, écrit « Chérie, avec un cœur ». C'est horrible. Elle écoute Walkman. Alors, les morceaux, je ne les connais plus. Non, moi non je plus. Je me sors la liste parce que je ne me rappelle plus. Hein, peut-être on s'en fout un peu. Okay. Et elle commence à chanter une chanson avec les gens du bus. Et tu fais « Oh, mais c'est une comédie musicale !» Je ne me l'attendais pas du tout. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre quand elle est là dans sa tête et tous les gens du bus reprennent le refrain. Tu fais « Wow, ok !» Oh non. Oui. Elle a une photo avec elle et sa mamie. Et derrière la photo, elle a écrit « Chérie, suis tes rêves, tu vas y arriver. Bisous, mamie. » Voilà, pour comprendre. Bon, spoiler, elle aurait peut-être pas dû suivre ses rêves, mais bon. Bon, on voit en même temps Drew, un barman musicien qui travaille au Bourbon Room, qui est un peu le QG du rock de Los Angeles sur les boulevards Sunset Boulevard. C'est Sunset Boulevard, ouais, je crois. C'est possible. Et où oui, les c'est plus la place. Grands. Tout le monde a joué là-bas. Voilà, tout le monde a joué là-bas, les premiers gigs, premiers. Concert. oui, facile. Et il chante, bah, bien sûr, il chante aussi. Oui, parce que c'est une comédie musicale, du coup, la chanson, elle continue. Arrive, moi, je la chante pas, mais ça continue. Donc, il dit bosser, travailler, boulot, dodo, c'est ça qu'il faut faire pour gagner sa vie. Mais en même temps, moi, je veux chanter, je veux être musicien, mais oui. Bosser, travailler, dodo, boulot. On voit, du coup, Drew, c'est les petits jeunes, pareil, jeunes pleins d'espoir. Il y a Russell Brand, oui. Mais je sais pas. C'est Lonnie, je crois, son personnage. Ouais, il a dit jamais son nom. Quel effet tard. Ah, c'est le MC du club, quoi. Celui qui introduit les concerts. Oui, qui fait la fête, on comprend qu'il a pas trop envie de... il chante, moi c'est la fête qui m'amuse. Ouais, je suis un déglingo. Et après il est le patron Alec Baldwin qui fait Denis Dupré, oui, qui fait un toast à la santé de tout le monde, maintenant c'est le rock. Donc, on est trop passionnés par le rock en fait. Ouais. Un tout de fou. Et donc on voit dans Chérie, en même temps elle arrive devant le Bourbon Room parce que c'est un peu son lieu, ouais, qu'elle idolâtre petit, un peu. Tous ces disques qui ont été, voilà, enregistrés là. Et une serveuse se fait draguer par un mec. Elle dit basta, j'en ai marre de ces gens qui font du rock. Je sais pas, non, elle dit pas ça, mais elle en a marre de se faire draguer. Je quitte les boulots. Drew, il sort le mec relou dans la rue. Chérie, en même temps, elle est de l'autre côté de la rue et elle est en train de se faire voler sa valise. Donc elle crie à l'aide, à l'aide. Drew, il arrive, il se rencontre, elle dit ah, j'avais tous mes vinyles dedans. Elle pleure. Il dit bah, si tu veux, tu veux pas, tu vas dormir où? Elle dit ah, je viens d'arriver, je sais pas, machin truc, mais si tu veux. Et on cherche une serveuse. Il y en a une qui est partie il y a 20 secondes. De quitter. Donc si tu veux, on peut parler à Denis Dupré, les propriétaires, mais ne dis surtout pas que t'es une chanteuse. Ok, d'accord. Ils vont voir Denis. Denis, il dit ouais, t'es une chanteuse. Non, non, non, pas du tout. Oui, oui, t'es une chanteuse. Mais bon, c'est pas grave. Elle dit, elle insiste un peu. Voilà, assumé. Assumé, non, pas assumé. Embauché. Embauché. Allez. Assunta en italien, c'est pour ça. Ah. Oui, on peut apprendre l'italien en écoutant Close Control aussi. Enfin. Embauché, donc Denis Dupré dit, et en plus, bientôt, dans deux jours, vendredi, il y aura le concert. Oui, grosse dernier concert des Arsenal, donc les groupes Arsenal avec Stacy Jax. J'arrêterai pas de dire Jackie Stax. Ouais, ce qui est rigolo aussi, comme nom. Jackie Stax. Et... qui va donc ils vont, le groupe va splitter, il va commencer sa carrière solo. Donc les grands concerts qui arrivent, ça va être Carnage. Donc on a besoin de cette truc. Et elle dit ah, mais Stacy Jack, c'est mon chanteur préféré, je l'adore. Ok, très bien. Kat, on est à la conférence de presse du nouveau maire de Los Angeles. Il c'est dit ouais, merci. Bryan Cranston. Oui, mythique, lui. Merci pour ces trucs. Je suis très contente. Je sais que vous avez peur pour vos enfants, adolescents, qui sont pourris par les rocks et les satanismes. Vous inquiétez pas, moi j'ai mon rock, c'est ma femme. Je crois Patricia Whitmore. Oui. Whitmore. Catherine Zeta-Jones, qui dit « Ouais, on va nettoyer les boulevards, on va détruire... » Le Bourbon Room. Entre-temps, Lonnie et Denis, donc les deux propriétaires, disons, du Bourbon, regardent la télé et Lonnie dit, mais je la connais, cette femme, elle me dit quelque chose. Dit, mais non, c'est la femme du maire, tu ne peux pas connaître ça. Il y a une petite ambiguïté entre les deux. Il y a un moment où ils s'approchent un peu, presque s'embrassent, mais c'est, mais en fait, non. Ils se distraient. Kat, on est à... Tower Records, donc un magasin des disques où Sherry et Drew, les deux petits ils font un petit rendez-vous. Ils vont regarder le disque. Mais ils vont chanter surtout. Et surtout, Drew va raconter l'histoire de sa vie, de pourquoi il va être chanteuse en chantant une chanson. Oui. La première guitare qu'il a achetée à I Love Rock and Roll. Yeah. Et après, il descend, il fait une scène de ouf avec tous les danseurs dans les magasins. Il descend, il dit, mais par contre, j'ai la phobie des scènes. Et voilà. Et ça, c'est trop bizarre. C'est bizarre. Oui, surtout qu'il vient de... Voilà, c'est hyper problématique. Mais on verra par la suite. Okay. C'est une comédie musicale, donc, on peut accepter ça. Elle dit, t'inquiète, moi, je vais t'apprendre, si tu veux, à respirer et tout ça. Il dit, oui, tu m'apprends aussi un rendez-vous? Et elle a dit, oui. On va partir à un malaise. Gros malaise. On se retrouve au Bourbon Room. Denis Dupré fait les comptes et il n'a pas suffisamment de sous pour payer les taxes. Il dit, on va être ruiné. Heureusement qu'il y a ce concert vendredi de Stacy Jax, parce que là, il sait qu'il va y avoir énormément de monde. Il a dit qu'il le faisait gratuitement. Oui, c'est ça. Stacy Jax a dit qu'il le faisait gratos parce que c'était la première scène qu'il a fait, c'était au Bourbon. Voilà. Donc, par sympathie, il le fait. Et dit, Stacy Jax, il n'est pas du tout fiable. Appelle son manager pour être sûr qu'il viendra vendredi. Donc, appelle avec Paul Gill. Qui est joué par Paul Giamatti. Et qui dit oui, bien sûr, il est fiable, t'inquiète, il va être là vendredi, pas de soucis. On voit Paul Geek qui est un peu louche, on comprend déjà qui est un agent, quoi. petit filou. Qui va dans les loges, parce que c'est qui, c'est si Jax va jouer bientôt. Il va dans les loges et rentre dans un monde parallèle où il y a un mec avec un gong, un singe, une espèce de loge géantesque. C'est une jungle, il y a une piscine. Oh, c'est une espèce de nature et découverte du LSD. Voilà. Il y a un énorme lit avec des draps en soie, trois femmes à poil. Ouais. Qui sont et dessous lesquels il sort, il surgit. Stacy Jax, Tom Cruise. Eh oui, dans vous attendez pas ça. Mais non, dans toute sa gueule de bois, défoncitude, ouais, et surtout beauté. Je dois dire. Voilà, ça, on y reviendra plus tard. Il a des tatouages, il est torse nu avec les cheveux un peu longs, il a du maquillage, ouais, il va très très bien. Bref, et il est stone, complètement drogué, défoncé. Enfin. Il lui dit, mais les managers lui disent, mais vas-y, il faut aller sur scène. Il dit, je suis déjà sur scène et pff, il tombe à la piscine. Bon. Ouais, entre temps, on voit une nouvelle scène avec Patricia, la femme du maire, à l'église. J'adore cette scène. Avec une photo de Stacy Jax énorme dans tout son côté ouais, sexuel. Dans la chapelle, ouais. Et elle, qu'elle dit, c'est les diables, il faut les défoncer. Mais c'est un peu bizarre. C'est méga cringe. C'est une des scènes les plus... Elle est too much. Elle est avec son horrible groupe de femmes religieuses et elles font une chorégraphie et elles chantent en disant que le rock, c'est le mal. C'est hit me with your best shot. Hit me with your best shot. Pardon. Ouais. La chanson. La choré est horrible. Moi, ça m'a fait très rire. Zéro mais... subtil. Bon, après, oui, c'est malaise. Drôle. On est d'accord, c'est malaise. Voilà, très malaise. Voilà. Et on découvre entre temps qu'il est maire, pendant que la femme, elle fait, c'est Patricia, oui, a fait ça, il couche avec sa secrétaire. Oui, enfin, il a une relation SM avec sa voilà secrétaire. Pourquoi pas, après tout, on s'en fout. On n'en est plus à ça. Après. Okay. Drew et Sherry, les deux petits jeunes, vont au rendez-vous en haut de la ville de Los Angeles. Ils regardent les lumières. Dans le signe Hollywood, dans les lettres. Il chante une chanson, bien sûr. Tu es la femme que j'attendais depuis longtemps. Tu es l'homme que je cherchais depuis longtemps. Il s'embrasse. Oh. Et elle dit, ah, vas-y, tu vas me chanter une chanson. Il lui dit, non, je ne peux pas. Je ne sais pas, il y a plus de chanter. C'est horrible. Elle dit, oui, vas-y. Et donc, il commence à chanter une chanson qu'il a écrite quand il l'a rencontrée à elle. Waouh. Mm. Et c'est les love. Ils sont ensemble. Ils sont en couple. Chanson, ils vont c'est... sur les rollers. Ils vont à la plage. Oui, ils prennent des photos dans le photomaton. Dans ouais, le photomaton. Ils vont au travail. Ils s'embrassent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent travailler. Waouh, c'est la belle vie. C'est l'amour. Arrivent les concerts, les fameux vendredis, les concerts de Arsenal. Tessie et Arsenal. Stacy Jax. Le groupe qui devait faire la première partie est en réhabilitation. On n'est pas ça. En rehab. Oui, en désintox. Désintox. En réhabilitation. Bon, je crois qu'on n'a pas vu le même film, mais OK. Ça, je traduis de l'anglais. Oui, c'est ça. Ils sont en rehab. Rehab. Et... Et donc, il manque la première partie. C'est ballot. Et Sherry dit, mais Drew, il peut chanter. Et donc, il dit, mais non, mais si. OK, d'accord. De toute façon, tant qu'à faire, personne n'a rien en foutre. De toute façon, il n'y a rien. Première donc, partie. Oui, c'est ça. Donc, vas-y. Et en plus, il le fait gratuitement. Et ouais. Donc, il a son groupe, c'est tous les autres collègues du bar. Oui, c'est ça. Je c'est me suis posé la question. Je me suis dit, là, il y a un gros souci quand même, parce que tu as 5 serveurs tout d'un coup qui se mettent à jouer. Ils ne sont pas là. Qui fait ouais le service. On en a plus. Ouais, voilà. Non, mais après, groupe qui s'appelle Wolfgang von Colt. Von Colt. Voilà, Stacy arrive au bar parce ouais que c'est oui, le bar du concert. Okay. Il arrive avec un singe, un billet en général. Non, avec non, une veste en cuir. C'est la veste en cuir. La général, en cuir, c'est plus tard. C'est pas. Mais je saurais pas tous les déguisements du singe. Oui, il y en a beaucoup. Il est hyper intimidant et il s'appelle Heyman. Heyman. Le singe. Le singe. Il y a Paul, donc le manager, il l'amène dans un truc, il dit attention, il y a l'entretien avec Constance Stack, oui, la journaliste de Rolling Stones, qui veut faire un article sur la carrière solo qui va se lancer. Oui. Ok. La journaliste, elle arrive, elle commence à poser des questions, Stacy, il répond pas du tout. Il est à l'ouest, il comprend rien. Il dit, mais qui vous êtes? Qui vous êtes? Et du coup, il chante une chanson sur Je suis un cowboy, je suis je sais pas quoi. Sherry, qui sort de nulle part, elle chante avec lui. Lui, il est hyper touché. Il lui dit, t'es qui, toi? Je suis Sherry. Et il lui met une main sur les seins. Oui. En lui disant, t'as un cœur énorme ou je sais plus quoi. Ouais, voilà. Parce qu'il lui met les mains sur la poitrine d'à peu près tout le monde pour sentir les cœurs. Mais là, c'est un peu chelou. Oui. Voilà. C'est malaise aussi. Ouais, mais c'est pas fini parce que la journaliste. C'est pas fini, les malaises. La journaliste, elle tombe trop sous les charmes de Stacy parce que Stacy dit, mais moi, je suis les sexes. Et ouais. Tous les gens veulent que moi, je suis. Ils projettent sur moi ça, donc je suis devenue ça. L'amour pour moi n'existe plus. Un truc comme ça. Ouais. Sachant qu'elle, au début, elle cherchait la petite bête. Elle essayait de dire, ouais. Mais en gros, elle essayait de lui faire dire, mais en gros, tu te fais virer d'Arsenal parce que t'es ingérable. Enfin, ouais, et en plus, elle lui dit, c'est sûr que c'est ton manager qui l'abuse de toi. Faudrait que tu laisses parce que les premières chansons que t'as écrites, c'était génial. Et là, maintenant, t'es perdu. Il commence à chanter une autre chanson ou la même, je sais plus. En tout cas, elle lui met une langue dans l'oreille. Et ça, c'est hyper bizarre. Et après, ils se retrouvent à poil tous les deux. Ils font une espèce de scène pseudo théâtral du sexe. Point d'interrogation. Malaise. En malaise. Les concerts commencent. Ah oui, c'est ça. En fait, la journaliste, elle part de Stacy. Stacy, il se recroise avec Sherry et il lui rentre dedans. Grande capacité de Tom Cruise. Oui. Et elle casse une bouteille de scotch. Et du coup, Stacy, il la touche. Il ressort ensemble. En fait, Stacy, il a sa baguette ouverte. De sa relation précédente. Voilà. Mais les jeunes Dru qui est sur scène voient Sherry, sa choupie, avec Stacy qui ressort. Elle est un peu. Elle est un peu gênée parce qu'elle a fait tomber un truc. Et Stacy, il referme sa patte du pantalon. Oui. Donc il est très vénère. Il se dit, ah, super, elle m'a trompé avec Stacy Jacks. Il fait un concert des ouf malades. Du coup, il se dit, ok, c'est ça, vous allez avoir du rock alors. Et du coup, il super sa phobie de la scène. Ouais. Et il sort picolé. Voilà, il est super fort. Parce que maintenant, c'est une rockstar, quoi. Ouais, voilà. Un petit peu picolé, tu vois. Tout le monde est à bloc. Il sort, il voit Sherry, il dit, ah, super, c'était super et tout. Il lui parle même pas, il boude. Et elle dit, ah ouais, mais il dit, ben maintenant, tu penses que maintenant toutes les femmes aimeraient regarder à moi et jeter ben, je sais pas, je peux avoir qui c'est qui je veux. Ouais, en gros, il la tège comme merde. Ouais. Et elle pleure, elle est triste. Il va pour la chercher et Paul Gill, le manager, oups, mon micro était en train de tomber, qui a vu son talent sur scène, elle dit, non, mais toi, tu dois faire un contrat avec moi, on s'en fout de l'amour, viens. Je te fais devenir un star. Ça, il y a un truc plus important que l'amour, c'est la gloire. Et le pognon. Ouh. Donc, lui, Dury dit, ok, je signe avec toi. Entre-temps, Dennis, donc, il est super content parce qu'il a pris plein d'argent pour ce concert. C'était Maxi génial. Pognon. Paul, le manager arrive et dit, non, mais Stacy, il prend 10%, 90%, nanana. En fait, il rafle tout. Donc, il prend tout le pognon. Plus de sous pour Bourbon Room. Oh non! Sherry démissionne, Dru démissionne aussi. Oui, parce qu'il va devenir une vedette. Ça. Et Sherry, parce qu'elle ne veut plus voir Dru. Oui. Elle se retrouve dans les rues, seule, sous la pluie, à pleurer, à dire ah, je suis seule maintenant, je dois me faire un cœur, un chorus. elle chante, bien sûr. Oui. Oui. Elle se retrouve au milieu de la rue, toute seule, machin. Il y a une femme qui vient la soulever, qui lui propose un travail. Dans le Venus Club for Gentlemen. Voilà, c'est un club pour gentlemen. Strip club. Oui, bah, club pour gentlemen. Et il lui dit, non, mais toi, t'as pas suffisamment forte pour pouvoir pour travailler ici. Et elle dit, oui, je peux être serveuse. Oui. Ok, d'accord. Je sens que la patronne, c'est Mary G. Blige. Ouais, sacrée meuf. Quand même. Donc, voilà. Ouais, chacun sa vie, un peu. Ouais. Donc, Sherry, elle commence à travailler au strip club. Dru, il commence à enregistrer son disque rock. Il enregistre. Il commence à démarcher avec son manager chez tous les grosses étiquettes. Et les étiquettes, elles disent, mais non, mais les rock, c'est mort. Il n'y a plus les rock. Maintenant, c'est... Vous ne faites pas du rap, vous ne faites pas du pop, machin truc. Donc, il y a un relooking du groupe qui devient un boy band qui s'appelle Z Guys. Z Guys, voilà. Je savais plus. Avec 3 E, je crois. Z Guys. E, de Z. Double Z. Donc, Lizzie Guy, c'est peut-être le truc le plus drôle du film quand même. Ça, c'est drôle. J'ai bien vu. Le maire, entre-temps, demande à sa femme, mais pourquoi t'es si en colère avec Stacy Jax? Et elle dit non, parce que ma coloc à l'université, elle était tombée amoureuse de lui, ils ont couché ensemble, il lui a pris sa virginité en gros, et après il est reparti et je vais la venger. Moi je le fais presque, c'est vrai, elle c'est clairement pas ça. Ah, on oui, comprend non. très bien dans la scène que c'était elle-même. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le fameux j'ai une coloc qui... Ouais, voilà ça, avec un regard, c'est horrible. Very cringe. Non, ouais. Tu dis quoi? Malaise. Oui, malaise. Oh, malaise, cringe, malaise. Donc, Drew, il est en train d'enregistrer un clip avec les Z-Guys. Z-Guys! Et ils font les trucs vraiment boy band, danse et tout. Ouais. Et c'est un trop ridicule. Il dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire juste un concert pour voir si ça marche, ce truc, ou pas? Et Paul, il dit, oui, bien sûr, pas de soucis. Il appelle Bourbon Room. Room. Et il dit au patron. À Denis. Avant il y a la scène d'amour du patron avec Lonnie. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai un peu squeezé vite, mais oui, où Lonnie et Denis se déclarent leur amour. Se déclarent leur amour parce que Denis il est trop triste que les Bourbon va fermer. Du coup, il dit et Lonnie il dit non, mais tu m'as pas laissé tomber. Moi, je suis là depuis longtemps pour toi. Il y a un truc qui est au-delà de l'amitié. Et s'embrasse. Voilà. Bizarre quand même la chanson. Ouais. Bizarrement et on ne les sent pas très attirés l'un par l'autre. Mais bon. Donc Drew, avec son boy band, il dit faisons un concert avant. Paul appelle les Bourbon en disant je t'offre un autre concert de Stacy Jax, premier concert en solo. Tu auras toutes les recettes. Mais par contre, en première partie, il y a un nouveau groupe que je vais te mettre. Ouais, carrément. Ok, fait. Donc, concert truc, il prend la publicité pour tous les journaux de la ville. Donc, il y a une foule pas possible. Et sachant, est-ce que c'est juste là où le magazine Rolling Stone est sorti avec l'interview et où Stacy Jax demande à Paul de venir dans son bureau? Oui, oui, oui. C'est ça. D'ailleurs, il y a les singes super en colère qui a dévasté tous les bureaux. Et Stacy Jax qui demande à rendre des comptes, en fait, notamment sur le truc que Paul aurait volé l'argent au Bourbon. Ouais, parce que la journaliste a entendu que Stacy Jax a volé l'argent du Bourbon. Et en fait, il dit « Ah oui, c'est ça, t'as fait ça, Paul ?» Franchement, Et il l'a viré. Et il la vire. Il le vire. Et il va faire quand même le concert. Non, il va pas faire le concert. Lui, il sait pas. Ah non, il le sait pas. Donc, Drew, il va... Il s'est dit, ce soir, c'est le concert. Là, il y a plein les manifestants à l'extérieur du Bourbon qui commencent à s'agrouper. Il y a battle entre les religieuses et les rockers. Mais attends, parce que d'abord, Drew et Sherry, ils se retrouvent à Hollywood. Là, sur les points derrière l'écriture d'Hollywood. Oui. Petite chanson. C'est pas une chanson. Ils se retrouvent à un billet comme un pop star trop bizarre. Et elle, déprimée, parce que d'ailleurs, de serveuse des strip clubs, elle est devenue strippeuse. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent un peu dans leur shoot personnel de tous les deux. Ils discutent. Bon, ils s'avouent, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et Drew, il est quand même encore amoureux d'elle. Donc, lui dit, mais c'est-à-dire, une deuxième chance et tout. Mais ça reste un peu suspendu. Elle n'est pas convaincue, elle part. Stacy Jax, qui a lu l'entretien de Rolling Stone, est obsédée par la journaliste. Constance. Donc, il appelle les Rolling Stone, la rédaction, et il dit, elle est où Cendrillon? D'abord, elle appelle, je ne sais plus, non, pas Cendrillon, un truc comme ça. Elle est où? Parce que moi, je suis complètement ouf d'elle et tout, machin. Mais il ne dit pas qu'il est Stacy Jax. Oui. Et les journalistes se disent, si tu veux la stalkerer, tu peux. Elle sera sûrement ce soir au concert de Stacy Jax au Bourbon. Il dit, ah bon? Je fais un concert ce soir? Ok. Et il va là-bas. C'est marrant. C'est assez drôle. Il arrive du coup au lieu où il y a les femmes d'un côté anti-rock les rockers de l'autre côté pro-rock qui se prend la tête, tu vois, ils chantent une chanson. Un mash-up entre We're Not Gonna Take It et We Build This City, deux chansons qui sont mélangées. Ouais, ça marche pas mal. Ouais, bon. Oh, celle-là, ça marche. Stacy Jax arrive avec sa moto, il voit. La mairesse. Oui, la femme du maire. La femme du maire. Il lui touche les seins. Et il dit, mais je te reconnais, t'as les seins aussi beaux que quand t'étais jeune. Patricia. Alors, ouais. Il dit, ah, Patricia, c'est toi. Elle fait pour l'embrasser, parce qu'elle est complètement sous les yeux, et lui, ça va. Eh oui. Et là, Lonnie, il réalise pourquoi il connaissait déjà ses visages. Il va chercher dans ses vinyles, il trouve un vinyle d'Arsenal, et voit dans la pochette du vinyle une photo prise avec le public, et il y avait la mairesse. Donc, elle est... C'est bon, c'est Reaper. C'était une groupie de voilà. Stacey Jacks. Et du coup, scandale, machin truc. Fin de cette histoire. Ok, celle-là. Ouais, on va au concert. Les concerts. Donc, Stacey Jacks rentre au Bourbon. Il voit la journaliste. Il l'embrasse. Il commence une scène de sexe. Très redoutable. Très, très chelou. Hyper chelou. Il se cache dans les toilettes pour coucher. Les gardes du corps de Stacey donnent l'argent à Denis Dupré en lui disant oui. Ben voilà, Stacey vous donne ça, genre les 30 000 euros qu'il avait piqué. Donc les Bourbons est sauvé. Drew monte sur scène avec son groupe. Les ah non guys. Attends, pardon. Non, pardon, je me suis raté un truc important. Il va au magasin des disques. Ah oui, c'est vrai. Avant. Oh, il retrouve les disques de Chérie avec les noms. Chérie avec un. Un petit cœur. Et il rachète tout. Il lui envoie, il dit des fois on peut retrouver les trucs qu'on a perdus. Donc elle est convaincue, elle va au concert. Il monte sur scène avec son groupe Boy Band. Z-Guys. C'est trop nul à chier, tout le monde. Ouh. Ah ouais. Et Chérie arrive, il voit Chérie, il est trop content, il descend des scènes. Les autres continuent, mais bon, ils sont hués. Il descend aussi. Là, il n'y a plus personne qui joue parce que Stacey Jacks. Denis, il comprend qu'en plus, il ne devait pas faire le concert parce que c'est tout un micmac d'épaule, les managers. Et du coup, Chérie monte sur scène. Elle dit, je sais quoi faire, j'y vais. Elle chante la chanson que Drew lui avait écrit, c'est vrai. Pour elle. Drew monte sur scène et chante avec elle. Il faut un nuet magique. Disons. Stacey entend les deux chanter avec la journaliste. Il est scotché. Et ils partent. On voit la scène d'après. Ils sont dans une arène avec je ne sais pas combien de gens. Stacey chante cette chanson. C'est le Dodger Stadium. Voilà. À Los Angeles. Stacey chante cette chanson. Et après, Drew et Chérie montent sur scène. Ils chantent tous les trois. C'est des rock stars. Tous les personnages du film sont dans le public, chantent aussi avec eux. Notamment, les seuls qui ont un peu switché, c'est la mairesse qui est devenue... Oui, qui est redevenue une groupie. Une groupie habillée en cuir. Mais il y a Mary G. Blige qui est là avec ses strippeuses. Oui, il y a Denis et Lonnie, main tout dans monde la main. C'est merveilleux. Et c'est la fin. Et c'est la fin. The Rock of Ages. Waouh. Et oui, c'est ça, Rock et of Ages. Et oui. Alors, pour se donner un peu une idée de qui, quoi, qu'est-ce que, comment c'était Stacey Jacks dans Rock of Ages, on va s'écouter, on va écouter l'extrait où du coup notre ami Stacey Jacks nous explique qui il est. C'est il explique à un journaliste. Oui, il explique. Ouais, enfin, à nous parce qu'il va le chanter quand même. Oui. Un peu. Tom Cruise ça lave ses lunettes. Les danseuses se disent tiens, je connais ces accords. C'est les moments de. C'est marrant pour danser. C'est la Corée. Compte à rebours 4, 3, 2, 1. En finissant par un doigt d'honneur. C'est la voix de Tom Cruise. C'est la vraie voix de Tom Cruise qui chante, ouais. Faut en profiter, hein, c'est pas tous les jours. Qui dit. Je sais pas, moi c'est pas clair. Ah bah il dit qu'il est un cow-boy. Ah oui. Bon là il y a un petit moment un peu malaise où il vient caresser la joue du mec qui fait le ménage, super chelou. Il y a la journaliste qui est ramenée derrière lui par des gardes du corps. Là il chevauche un fût de bière. Waouh. Il fait une petite cascade. Et il marche toujours un peu très lentement quoi. Torse nu avec ses tatouages et son bandeau dans les cheveux. Ouais, je dois dire les bandeaux dans les cheveux je suis absolument contre. Ah. En fait, je l'aimais plus dans les scènes où il y a les cheveux. Ah, okay. Bah, ça va arriver. Hein. Ouais. Donc là, il y a les danseuses qui l'embrassent. Hein, ouais, qui embrassent son corps. Tout le monde, de toute façon, il embrasse plein de gens dans ce film. Bah oui, mais il est le sexe. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a quatre femmes tout autour. Et la journaliste, elle le regarde. Voilà, il vient d'aider quelqu'un à faire son croisé. La réponse était Dalai Lama. C'est ça. Avec, tu sais, ce truc de. C'est déjà dans le texte de la chanson, mais on va le refaire en plus. Déjà, si tu l'as pas. Et là, il va monter sur scène. Les danseuses lui enlèvent sa veste. En Corée. Hyper cringe. Et là, la journaliste a la switch. Elle a du mal à se retenir. Quand il monte sur scène et enlève sa veste, tout le monde switch. Tout le monde switch. D'ailleurs, j'ai un peu oublié de dire toutes les femmes s'évanouissent. Oui, c'est vrai. Et t'as tout le monde crie Stacy. Et là, c'est les grands concerts. On est au concert Arsenal dans un stade. Des ouf avec des lumières rouges, on le voit des dos. Comment dire, des rideaux de lumière. Des rideaux d'étincelles. Ouais. Là, c'est vraiment le concert de rock des années 80, comme on voit l'image. Guns N' Roses, tout ça. Ouais. C'est pas très chelou. Bah, c'est un concert. Après, il y a en foule des malades. Ah oui. Ah bah attends, Arsenal, c'est une grande. Non, mais je veux dire, en termes de. Il y avait vraiment tous ces gens-là qui regardaient la scène. Je veux dire, c'est en vrai. Ah non, mais là, il y a eu un switch dans le. Non, sur mais notre concert. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, Tom Cruise, il a joué devant tous ces gens-là. Je sais pas. Et là, il y a oui, que c'est Jax. Il donne un peu des coups bizarres au micro. Et là, il chute dans le mouvement. On revient au bar. Il n'y a plus de public. Et c'est qui cette voix? C'est Chéri. Ça, c'est Chéri. C'est Chéri. Et Stacy est intriguée par Chéri. Eh ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle chante bien? Ou parce qu'elle est un peu canon? Et jeune. Peu probablement mineur. On continue à rajouter du malaise. Ah mais ouais, c'est trop bizarre. Voilà, et il va descendre. Waouh, il saute du plateau quand même, très bien. Ah là là. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus malaisant dans ce film, cette scène. Mais c'est vrai qu'il y a des moments bizarres. Ah non, ça va. Franchement, par rapport à certaines scènes... Après, voilà, ça donne un peu une ambiance. Mais c'est comédie musicale. Que n'as-tu pensé non, de ce film? Que n'as-tu pensé, Paulin. Écoute, après, moi, le truc, c'est que je suis pas très... je connais pas grand-chose en comédie musicale. Je suis pas forcément méga attiré. C'est pas une culture... On en discutait avant. C'est pas une culture qu'on a trop, la comédie musicale. J'en ai pas vu des milliards. Et là, c'est vrai que c'est très bizarre. Il y a sur ce film, je trouve qu'il y a il y a des soucis. Je sais pas, j'arrive pas trop à savoir ce qu'ils veulent raconter, s'ils ont quelque chose à raconter ou pas. Non. C'est cette espèce de vieille nostalgie des années 80 qui est hyper chelou parce qu'elle est très très édulcorée. Enfin, il y a un truc très pop en fait. Tu vois, ils te disent ouais, nous c'est le rock. En fait, c'est très propre, c'est plus pop que vraiment mais rock. Mais oui, toutes les reprises sont devenues hyper pop quoi. C'est ça. Je trouve même presque country. Les arrangements, c'est vrai que c'est ça un peu. Ouais, on est plus sur le pop rock américain country comme tu dis. Ouais. Il y a des arrangements qui sont un peu rigolos, mais c'est très chelou. Je suis bon. Et je connaissais pas la comédie musicale d'origine dont est tiré le film. Ouais, je pense. Après, je me suis renseigné. Apparemment, c'est très différent. Enfin, c'est assez différent. Ah ouais. Et l'auteur de la comédie musicale a détesté le film. Il a dit qu'il avait pas compris pourquoi ils avaient fait ces choix. Il a dit notamment, dès que j'ai vu qu'il y avait un singe dans le film, j'ai compris qu'il faisait n'importe quoi. J'avoue, les singes. C'était pas obligé le singe. C'était vraiment bon. Et en gros, là, dans la comédie musicale. Stacy Jack, c'est vraiment une enflure. Genre, c'est sous-entendu que c'est un harceleur, enfin, tu vois vraiment. Et il a pas du tout un bon rôle. Là, il est un peu. Ils l'ont un peu édulcoré. Ah, bah oui, largement, du coup. Ouais, ouais. Et ça raconte pas la même chose. Et la fin est hyper glauque, hyper triste dans la musicale. Quoi. D'accord, ok. Donc, ça a du sens. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Ça me rassure. Là, c'est vrai que l'histoire est hyper fade. Tu vois tout arriver à 20 000. Ah ouais, dès le voir, début. Voir des fois, c'est décousu, tu vois. La relation entre Stacy Jax et la journaliste, tu fais ouais, c'est chelou. Entre Denis et Lonnie, c'est, au début, c'est un peu discret, tu le comprends, tu te dis ok, c'est bon, pas de problème. Et ils te remettent une grosse scène où ils chantent leur amour entre eux, mais où ça marche pas, parce que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Tu fais c'est bizarre en fait. Mais en plus, c'est pas tant... Oui, oui. Déjà, tu dis, bon, ok. Mais on le savait déjà. Bon, c'est ça, tu en fait. Mais ça, de partout dans les films, tu dis, oui. Ah ouais, je savais déjà. Mais surtout, tu sens que les deux comédiens, ils sont pas à l'aise avec ça. Notamment, ouais. Alec Baldwin, ouais. Il est vraiment mal à l'aise. Ouais, ouais, bah oui. Il y a vraiment un truc où, du coup, t'es gêné, je sais pas. Ouais, mais du coup, la scène, en plus, la scène marche pas parce qu'elle fait hyper artificielle, alors qu'avant, c'était plus sympa, oui. Justement. Quand c'était juste les regards, les machins, tu captes les personnages, tu dis c'est très bien. En plus, des personnages assez secondaires. Oui. Du coup, tu dis bon, bah, c'est super, tu l'as bien le truc, tu peux le faire évoluer. Là, le fait de mettre cette scène-là et qu'elle soit pas maîtrisée, qu'elle soit pas bien interprétée. Ouais, c'est trop dommage. Ça marche quoi. Pas, quoi. Parce qu'en plus, ça pouvait être un bon moment. Bon, oui, bah, oui, ça pourrait être bien, mais là, c'est vrai que ça marche pas, quoi. Ouais. Et après, Alec Baldwin a détesté le film. Ah bah tu m'étonnes, il joue quand même pas d'acteur. Mais après, je pense que lui, il a détesté le film avant de le faire. Oui, parce que oui, clairement, oui. Il se donne pas du tout les moyens. C'est une cata. Hein. Il joue super mal. Ouais. Super mal. Après, dans ceux qui jouent mal aussi, c'est Catherine Zeta-Jones, t'as l'impression qu'ils lui ont filé des enfaites tous les matins parce qu'elle surjoue tout. Non, mais c'est vrai. Alors après, pourquoi pas, hein. Moi, tu vois, la scène quand elle est dans l'église, complètement n'importe quoi, c'est over the top, c'est débile. Je dis pourquoi pas, mais alors dans ces cas-là, vous faites tout le film comme ça. Là il y a que ça. Et il y a que son personnage à elle qui est vraiment. Ouais. C'est vraiment trop chelou. Trop chelou. Du coup, alors qu'elle, tu vois, dans Chicago. Ah, mais toi, tu ne regardes pas des comédies musicales. Moi, je connais un peu Chicago. Dans Chicago. Oui, ben oui. Elle est. Et en fait, elle, c'est une putain de pro du Broadway, de la comédie, oui. Musicale. C'est vraiment ses qualités, tu vois. Donc, elle peut être au max et hyper juste, hyper parfaite. Là, ils lui ont donné, je pense, des consignes, genre toujours comme au théâtre, quoi. Ouais. Mais au cinéma, ça fait trop bizarre, surtout si tous les autres sont plus cinéma. C'est ça, en fait. C'est à la rigueur, il n'y a vraiment pas de cohérence entre tous c'est les chelou. Jeux. En plus, les deux pauvres jeunes qui font Drew et Cherry, c'est des chanteurs, en fait. Ils ont des carrières de musiciens et chanteurs, tu vois. D'accord, ok, le mec qui fait Drew s'appelle Diego Boneto, c'est une vedette au Mexique, tu vois. Okay. C'est en Amérique latine, c'est une vedette, c'est un chanteur, tu vois. Ah non, mais. Et les pauvres, tu les mets les deux là-dedans, avec autour tout un tas d'autres gens qui jouent chacun le film comme il a envie de le jouer. Tu leur mets Tom Cruise, où tu sais que ça va foutre forcément un focus différent. Ouais. Ça nique tout le film. Ouais. Et eux, leur histoire, t'as des moments où tu te retrouves, on parle plus d'eux pendant un moment, tu oublies complètement qu'ils existent, alors que c'est censé être un peu l'histoire d'amour centrale, tu vois. Oh là là, ça marche pas. Et pareil, en termes de chimie, les deux, c'était un peu la cata. Hein. Bah après, c'est pas des acteurs. Enfin, tu vois jeunes. Que c'est pas des acteurs. Hein. Ouais, c'est sûr. En comédie musicale, en chanson de soi, ok. Après, t'aimes pas, c'est pas le truc. Mais en acting, tu vois que c'est pas là où ils sont. C'est horrible. Donc, on peut en conclure que t'as pas trop aimé non plus. Non, mais en fait, moi, j'aime bien la comédie musicale quand c'est bien fait et quand les mises en scène de la chanson amènent quelque chose en plus. Là, ça mène à rien. On comprend même pas ce qu'ils sont en train de dire. Quand ils chantent les chansons, au début, j'étais là, ok, pour faire les résumés, tu vois, qu'est-ce qu'elle est en train de dire dans cette chanson ? Ça parle même pas de ce qu'elle est en train de dire. Toute la chanson sur les bus, au début, il parle de « vas-y, trouve ton homme, qu'est-ce que tu es disposé à renoncer pour trouver Mr. Right ?» Et t'es là, mais attends, mais on n'était pas parti, elle n'était pas partie pour sa carrière musicale, ouais, pourquoi oui, elle parlait ça, c'est trop chelou. Et c'est ça, tout le temps. Toutes les chansons, sauf une ou deux, c'est ça, quoi. Et donc, ça ne marche pas. Mais c'était une des critiques qui revenait dans les critiques. Il disait, c'est ça, en fait, quand tu fais une comédie musicale, en fait, la base, c'est des morceaux que tu utilises, mais qui vont raconter l'histoire ensemble et après tu dois faire cette mise en scène. Là, t'as un peu une espèce de truc à l'inverse de on veut faire un truc sur le rock, donc on va caler absolument les morceaux rock. Mais pas bien, quoi. Ils ont pas bien fait. Ouais. Avec et puis après, la vision rock. C'est nul. C'est une vedette qui se défonce, qui est Krakos de l'espace. Et après, c'est de la pop. Du coup, c'est très bizarre. Hyper bizarre. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que j'avais plein de critiques sur ces films. Ah, vas-y, je ne fais pas plaisir. Non, mais je me. Mais c'est Chris D'Arienzo, l'auteur de la musicale. Comédie musicale. Ouais, je le dis, parce que quand même, a priori, la. De toute façon, si une comédie musicale est adaptée au cinéma, ça veut dire que ça marche déjà pas mal à Broadway. Oui. Donc, je pense que ça doit être bien en soi. Après, le problème, c'est quand ils font les adaptations en film, souvent, c'est un peu caca, quoi. Bah c'est, je pense que ça doit pas avoir grand chose à voir en fait, non, dans non, la manière de faire. Faut vraiment rajouter quelque chose. Là, il y a, tu vois, il y a des trucs qui te, même il y a des indices quand même où tu te dis, mais c'est même pas c'est, le film est même pas bien réfléchi. Ouais. Il y a un moment où Paul, pas Paul, Denis, le patron du bar, dit, je sais plus ce qu'il fait, où ils disent, ouais, il faudrait qu'on arrive à avoir Stacy Jacks, machin, etc. Et il prend le téléphone, il dit, je vais appeler Paul. Paul est l'agent de Stacy. Mais vraiment, c'est oui, un truc oui, comme oui, ça. C'est vrai. Et deux secondes après, ouais, allô, c'est Paul. Oui, alors, je voulais t'appeler par rapport à Stacy. Ouais, alors, c'est du vrai. Coup, tu te dis, mais pourquoi tu viens expliquer ce que tu vas faire, qu'on va comprendre dans la. Et il y a plusieurs moments comme ça où je me suis dit, putain, mais pourquoi ils expliquent ce qu'ils sont en train de faire, ouais, ou ce qu'ils viennent de faire, ou ce qu'ils vont faire? Tu te dis, déjà même, que les chansons, ouais, c'est cette espèce de truc-là, là, ça veut dire que ce film est pas. Comment tu laisses passer des trucs comme ça? C'est, non, mais c'est fou. Et même pas mal de personnages secondaires, ils sont vides. Notamment Mary J. Blige, que je veux dire, c'est une putain de performeuse. Ben grave. Elle peut tout faire, tu vois. Et son personnage, il a rien. Ouais. C'est vide. C'est un bout de carton, quoi. Mais même tout le strip club, oui, etc. En fait, c'est vraiment juste pour un moment avoir un morceau. Avec les pole dance. Avec le pole dance, mais du coup, c'est pas habité. Enfin, toutes les personnes qui gravitent là-dedans, bon, ouais, bah, tu les vois sur une chorégraphie. Mary J. Blige, comme tu dis, tu fais bon, c'est cool, on la voit traverser. C'est trop dommage, mais, tu vois, c'est trop dommage. Après, elle aurait pu être un super personnage. Ouais, après, Cherry, globalement, c'est pareil. Cherry, à travers le film, on lui donne pas grand-chose. Hein. Non, c'est clair. Elle est vraiment. Oui, en plus. Et voilà, il y a deux trucs qui m'ont vraiment dérangé. C'est elle, en fait, on commence avec elle. C'est son parcours à elle, oui, de dire « je vais réussir ». Et en fait, elle fait tout pour que ça soit Drew. Jusqu'à la fin, quand elle monte sur scène pour chanter, c'est pour chanter une chanson du mec. Ben quoi. Oui. Ça, c'est horrible. Mais ça, c'est... Du coup, tu dis, mais si c'est son parcours à elle, même si elle va dans la déchéance la plus horrible du strip club, pourquoi pas, tu vois. Mais au moins, montre-moi qu'elle, elle veut encore chanter, elle veut faire des trucs, elle essaye des choses, elle écrit des chansons. Rien. Il n'y a rien sur son. Ça m'a trop saoulé. Ah et oui, deuxième truc. C'est vraiment une faire valoir, quoi. C'est horrible. Et le deuxième truc vraiment embêtant, c'est sur les doublages. Je sais pas si ça t'a fait le même effet. Sur les playbacks. Mais en fait, déjà, les playbacks en chanson, on a l'impression qu'ils font un playback. C'est oui, horrible. Mais ça c'est comédie musicale, c'est pas facile quand même. Non, d'après un des comédies musicales, tu as l'impression qu'ils sont en train de chanter. C'est bien fait, c'est bien doublé, quoi. Et là aussi, quand ils sont des dos, tu vois qu'ils disent autre chose. Ça t'est arrivé? Tu vois qu'ils disent d'autres choses qui ont été redoublées sur cette scène. Ah oui. Non, il y a pas mal de trucs en audio, je trouve. Non, mais c'est trop mal fait. Particulier comme film. Trop bizarre. Moi, j'avais vu qu'il y avait. Peut-être qu'il y a un moment, ils ont failli caster Taylor Swift pour faire le rôle de Cherry. Ah, ça aurait été bien. Et tu te dis, en fait, d'avoir plutôt que ces deux pauvres petits jeunes en fait qui du coup ont pas le background et la renommée nécessaire pour survivre, c'est ça. Bon, ça aurait pas changé les problèmes qu'il y a de scénario et tout ça, mais peut-être que ça aurait obligé un peu à équilibrer les personnages. Ah mais complètement. Déjà, elle aurait écrit des chansons parce que quand même Taylor Swift, pour tout ce que tout le monde lui veut de mal, moi je l'adore. Mais, mais elle écrit quand même, elle est autrice de ses propres chansons, donc elle aurait fait forcément des chansons pour les films, ça aurait changé tout. Quoi. Après, je me demandais, est-ce que c'est les mêmes morceaux qui sont utilisés dans la comédie musicale? Ce serait possible, comme c'est pas exactement la même histoire, peut-être que dans la comédie musicale, elle colle bien, et ça pas dans le film. Mais en tout cas, effectivement, tu sens qu'il y a eu un truc qui a pas été fait à ce niveau-là, quoi. Bref, mais par contre, on sait que ce film ne mérite pas un Oscar. Non. Ça, je pense qu'on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a des gens dans tout ça qui méritent des Oscars? On va le savoir tout de suite. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Eh oui, les Oscars. And the Oscars goes. Les Oscars goes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des Oscars? J'ai cherché. Catherine Zeta-Jones. Et voilà, il y a Catherine Zeta-Jones qui a eu un Oscar pour Chicago. Et c'est tout. Et ouais. Voilà. La rubrique des Oscars la plus courte qu'on ait jamais fait. Wow. J'ai cherché. J'étais vraiment loin dans les castes, dans tout. rien trouvé. J'ai trouvé des nominations. Hein. Alec Baldwin en a eu une, Bryan Cranston, Paul Giamatti, mais, ouais, pas mais de... rien. Heureusement qu'il y a Catherine, sinon on avait enfin le premier film où il n'y avait pas. Je crois qu'il y en a eu un autre des films où il y avait. Bah, alors, si, mais je même pas dans les tout premiers, tu sais, je crois même pas. On a toujours trouvé des gens avec des Oscars. D'accord. Depuis le tout premier. C'est ok, pas mal. Donc voilà, donc bah, Oscar, c'est ça. Catherine. Allez, là, la rubrique intéressante, la rubrique des sous-sous. Combien est-ce qu'il a coûté ce film, d'après toi? Bah, je pense un peu cher quand même, non? Un peu. Pas beaucoup? Pas, 60 millions? 75 millions. Ah. Et est-ce qu'il a rapporté des sous? C'est là que ça devient intéressant, en fait. Parce que, bon, là, je sais pas. Eh bien, il a fait un bon four quand même, parce qu'il ne s'est même pas remboursé. Il fait 59 millions de dollars. Waouh! C'est de toute l'histoire de la vie de Cruise Control. Ce n'est que la deuxième fois que ça arrive. La première fois, c'était Legend qui se remboursait à peine. Et pas remboursé, c'est. Et là, il manque un petit paquet de millions quand même. Waouh! Et je regardais tout à l'heure un peu les chiffres des box-office, etc. Et une autre caractéristique qu'il partage avec Legend, c'est que c'est un film qui a, au niveau du box-office, a beaucoup marché aux États-Unis, mais très peu au niveau mondial. Que l'habitude, en gros, les films de Tom Cruise, ça marche au minimum autant dans le reste du monde qu'aux États-Unis. Tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça rapporte autant dans le reste du monde que dans les États-Unis. Quand ça rapporte plus aux États-Unis que dans le reste du monde, c'est que souvent, c'est des films qui rapportent pas tant que ça. Qui ne franchissent pas les frontières. Interesting. Et alors, est-ce que c'est parce que c'est une comédie musicale que ça s'exporte moins bien? Parce que tu vois, les autres films qui ne s'exportent pas trop, ça va être Jour de tonnerre, qui est sur le NASCAR, qui est un truc très américain, un truc comme ça. Ouais, voilà, je commence à sortir des pistes. C'est possible. Mais je vais vraiment finir par le faire, ce podcast économie du cinéma de Tom Cruise. Hein, mais c'est trop intéressant. Je commence à avoir trop de chiffres. Hein. Mais économie du cinéma? Ah oui, mais attends. C'est... On ne va jamais s'en sortir de tout ça. Économie, une économie qui va bien, c'est celle de Tom Cruise, parce que je pense qu'il a quand même pris des sous-sous. Hein, ah ouais, il a été bon. J'ai pas trouvé son salaire, mais je pense que quand même, il a pas dû dire. Ouais. C'est une époque où il prend 20 millions normalement. Ouais, mais en plus, va savoir. C'est pas sur, sur 9-10-Day, il devait prendre 20 millions, mais il en a pris que 11 plus des intéressements. Ouais. Bon, sur Mission Impossible, il est producteur, donc il en prend, je sais pas, 70, un truc comme ça. Ouais. Mais bon. En tout cas, c'est pas grave. Hein. Après, ils ont fait. Il n'ira jamais sous un pont. Non, ça va aller. Même là, de toute façon, ils ont dû le payer cher parce qu'ils ont fait toute la com sur Tom Cruise. Hein. Bah, de toute façon, c'est un peu le seul qui joue à peu près bien. Alors, est-ce que c'est le seul qui a le rôle qui a été écrit? Peut-être aussi. Suffisamment, tu vois? Ouais, mais je sais pas. Mais parlons de Tom Cruise, du coup, tant qu'on y est. Eh bien, je trouve... je suis très partagée parce que je le trouvais très gênant par moments. Je me dis, ah Tom, pourquoi tu fais ça? Tu vas vraiment en mode... C'est comme si je voyais un ami faire un truc vraiment pourri, quoi. Ouais. Je me dis, pourquoi t'es en train de bouger? Ne bouge pas comme ça et tout. Et des fois où je le trouve vraiment sexy. C'est horrible. Hein c'est une espèce de truc un peu gênant de... Oh, putain, je crois que je suis en train de kiffer alors que c'est sale. Bah, non, mais pas tant quand il couche avec les nanas, tout ça, mais que je trouve il est par moments, il joue vraiment de son intensité, tu sens qu'il essaie de tout donner pour que ce truc il marche. Parce que si ça marche pas, c'est foutu les films, en fait, ça tient. Si en plus les rockers, pas de sex appeal, mort. Bah là, il est censé incarner. Mais ça, après, c'est en ça, moi, je trouve que ça reste quand même hyper intéressant et surprenant. Je ne saurais pas expliquer ce choix de carrière. Non, moi non plus. À part le défi de se dire, je fais une comédie musicale. Ouais. Là, j'ai vu un interview où il disait, j'en ai jamais fait, c'est pareil, c'est des trucs comme il aime le cinéma, tout ça. Il se dire, comédie musicale, j'aime ça. Et je n'ai jamais osé le faire. Donc, il a dû se dire, je vais prendre des cours de chant, je vais faire 6 heures par jour pendant 6 mois. Oui, bien sûr. Et tout le monde autour a été assez surpris qu'il chante bien, en fait. Oui, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, bravo Tom Cruise. Bravo quand même. Et il joue la guitare aussi. Ouais. Alors il joue la guitare... Plus ou moins. Il chante vraiment, c'est lui qui a été enregistré tout ça. Mais la guitare, non, c'est pas lui. Non. Il fait de la guitare. En tout cas, ça m'a un peu... Mais ça m'a fait un peu plaisir de me dire, ah oui, quand même, là, il est quand même canon. Alors qu'en général, Tom Cruise, je dirais... Ouais. c'est pas la comédie, mais je dis waouh, trop canon. Là, des fois, franchement, ça marche. Je suis presque deg de devoir les dire, mais des fois, ça marche. Mais 80% du temps, c'est quand même. Je sais pas, il y a. Ça colle pas. C'est bizarre. Ça va avec le reste du film, avec l'ambiance un peu gênante de ce film, quoi. Trop bizarre. Mais après, c'est encore ce truc que. Et en même temps, c'est aussi ça, ils le vendent, c'est que c'est Tom Cruise qui incarne un dieu du rock, quoi. Ouais. Donc, comment tu sais que même le spectateur, comment il va faire la différence entre se dire c'est Tom Cruise qui fait un rôle qu'il ne devrait jamais faire, ouais, c'est trop qui bizarre. Incarne un truc très fort, qui va le surjouer à fond, enfin qui va aller à fond, on va dire, dans cette direction-là. C'est difficile. Là, tu te retrouves avec un truc un peu de. Comment est-ce qu'on arrive à regarder la performance, enfin à regarder le personnage. Sans voir derrière aussi l'aura de l'acteur qui dépasse largement, surtout dans un film comme ça où autour ça galère, quoi. Oui, je pense que c'est ce genre de film où c'est encore plus flagrant, où tu te dis ah, et bien effectivement, peut-être ce mec il a quand même une grosse aura. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est dommage. c'est dommage. C'est trop dommage. Avec une si belle voix. Bon, après, je trouve que la voix, elle est pas ouf. Ouais, elle est pas ouf, mais mine de rien, il le fait le job. Il va à haut. Yes. Mais bon. Bon, allez, par contre, on va être intraitable sur comment nous allons cruzométer ça. C'est l'heure du Eh oui, le cruzomètre, cette échelle de 0 à 100 en pourcentage après visionnage du film, pour savoir qu'est-ce qu'on en pense. Pas de temps du film, enfin un peu tout, quoi, comme d'hab. Vous savez ce que c'est maintenant, là, ça fait plus de 30 épisodes. Normalement, vous savez ce que c'est le cruzomètre. Voir que vous n'êtes pas d'accord. Ouais, souvent. Alors, Serena, ton cruzomètre, est parti comment? Alors, mon cruzomètre, il est parti à 13%. Ah, ouh. Ah oui, parce direct. Parce que. Je me disais qu'il est quand même pas un film que je porterai dans mon cœur, je le regarderai jamais plus et je le conseillerai jamais à personne. Je ferai semblant que Tom Cruise n'a pas fait ça, mais il est pas nocif non plus. Ah, ça va, c'est pas cocktail, c'est pas l'usine. Je sais pas, il y a. Oui. Il est un peu innocent. Et puis il n'a pas marché, donc personne n'a vu. Je sais pas, il y a un truc où je me dis, c'est pas Valkyrie où je trouve vraiment. Oui. Problématique profondément. Il y a des trucs problématiques, mais ça c'est tellement con que c'est plus malaisant, pas malaisant, mais c'est vraiment, c'était même mal à l'aise, mais il n'y a rien de grave. Oui, je vois. Sauf si la comédienne est mineure. Ça, je ne sais pas. Non, j'ai pas regardé. Non, ils sont pas mineurs. Okay. Mais voilà. Donc, okay. 13% pour être un peu au-dessous de l'Usinit ou certains buzz okay. C'est le bas, mais le haut du bas. Le haut du bas, quand même. Parce okay. que si elle était en dessous d'autres, ça m'aurait fait chier aussi. Ouais. Et parce qu'aussi, il porte du maquillage des yeux, là, du kajal. Du col. Et je trouve. Ah ouais, tu sais mieux que moi. Du col, oui. Et ça lui va très bien. Ok, cool. Voilà. Et toi? Alors moi, je l'ai mis, j'ai mis 35%, je crois. Ouh là là, autant. Ah mais après, mais parce que tu sais que je suis plus généreux que toi. Oui, mais 35%, moi, il y a des films que je donnais 35%. Ah ouais, bah, 35%, moi, ça me le met juste en dessous de Jerry Maguire. Ouh. 1% en dessous. Parce qu'en fait, au début, je voulais le mettre juste au-dessus de Jerry Maguire. Parce qu'après, en dessous, j'ai Vanilla Sky, American Teenager, enfin, tu vois, des Valkyrie, Cocktail, enfin, vraiment, j'ai pas grand-chose en dessous. Ouais. Hein. Et je voulais le mettre au-dessus de Jerry Maguire, et je me suis dit, ouais, enfin, Jerry Maguire, il a quand même une nomination aux Oscars, même si je détestais ce film. Oui, bien sûr. Voilà. Après, pourquoi je le mets finalement si haut pour un mauvais film? Ouais. C'est parce qu'il y a une performance et un truc hyper original de. Il fait une comédie. Enfin, c'est sa comédie musicale qu'il fait, et il le fait. C'est un gros défi quand même, et il le fait jusqu'au bout, et il le fait bien. Oui. Du coup, en ça, je me dis, ça reste quand même. Même si c'est pas mal. Enfin, c'est. Ce serait intéressant en fait qu'il soit connu ce film parce que enfin pour Tom Cruise c'est pas grave qu'il soit pas connu parce que c'est pas bon tu vois. Mais je trouve ça dans une carrière assez intéressant quand même. Non, et je oui, l'ai un petit va. Peu fait voilà mais bon okay. Ça reste quand même en vrai sur mon classement ça reste pas très haut. Oui, oui. C'est que t'es vraiment généreux. Je suis toujours un peu plus généreux que toi, c'est ouais, vrai. C'est fou. Je sais plus, on avait. Faudrait qu'on regarde un de ces quatre. Ouais, qui est le plus gentil? On sait que c'est moi. Bah oui, c'est toi le plus gentil. Je suis méchante. Alors, okay. Rotten Tomato, ouais. Bah, alors, 43%. Oh putain! Mais c'est énorme! Bah, ouais, alors après, c'est pas terrible quand même. Non, hein, c'est pour pas Rotten ouf, Tomatoes. Mais c'est beaucoup quand même. Bah oui, c'est les critiques étaient. En fait, c'est très rigolo. Toutes les critiques, c'est pas bien. Mais il y a Tom Cruise. Enfin, vraiment. Oui, oui. Et voir à un moment, soit j'ai commencé à lire les critiques et je me dis, mais il n'y a plus aucun esprit de jugement, t'as l'impression. Enfin, t'as plus aucun esprit critique. Ouais. C'est, ouais, c'est pas bien, mais heureusement, il y a Tom Cruise. Ça faisait un peu cette sensation-là. Donc, tu te dis, mais quand même, il a. Alors qu'on n'est pas dans une période où il est encore revenu trop en grâce, tu te dis, mais il a vraiment cet impact-là, quoi. Les gens, ils se disent, le film n'est pas bon, mais comme il y a Tom Cruise, ça reste au moins un truc bien. Enfin, c'est les critiques américaines, en plus, oui, Rotten Tomatoes. Mais tu te dis, quand même, il est jamais descendu. Enfin, il est descendu, mais. Jamais complètement au fond. Enfin, il y a toujours ce truc qui est là. Quand même. Il faut louer son effort, au moins. Ouais, t'as un bah, truc puis après, où tu vois qu'il s'y donne. Oui, oui. C'est pas Alec Baldwin. Ça t'essoule parce que là, Baldwin, tu dis... C'est l'abandon il total. Il donne pas, quoi, ici. Ah, wow. Même Catherine Zeta-Jones, je trouve qu'elle y va. Oui, bah, trop, elle, mais elle est, y va. Elle est à l'ouest par rapport au reste du cast. Mais elle s'y donne, quoi. Elle essaie d'être convaincue. Mais d'autres... Rien, ah non, Baldwin, il était pas là, c'était pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. Catastrophe. C'est horrible. Bref. Une petite question pour finir. Oui. Allez. Why is Tom Cruise always Cruise? Why is Tom Cruise always named Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise and Tom Cruise fly a helicopter? Tom Cruise. Did Tom Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. Eh oui, la question du jour. Et oui. Là, tu vois, ce générique n'a jamais aussi bien comporté ses paroles, parce que ma question porte un peu sur ce qui est dit. C'est, est-ce qu'il y a un défi que Tom Cruise ne peut pas relever? Oh! Parce que, tu vois, Rock of Ages, c'est ça un peu. C'est un défi qui se lance en disant, je peux faire un musical, et il le fait. Et il marche beaucoup à ça, t'as l'impression. Et du coup, il y a un moment, et à chaque fois, ça marche. Enfin, ça marche dans une certaine mesure, mais en tout cas, il arrive à faire ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il a fait tous les genres je me demande. Tu vois, quand il dit il faut faire l'escalade, ok, je me mets à l'escalade, je le fais. Il faut piloter un truc. Est-ce que c'est parce qu'on sait qu'il est motivé par ça, motivé par le défi, il se lance lui-même des trucs, il a une éthique de travail absolument dingue. Mais moi, je pense que tu arrives à ce niveau-là. Tu pètes un câble, quoi. Dès que tout le monde, t'as ces genres d'attention depuis autant de temps et t'es aussi cherché par tout le monde, mais c'est sûr que soit tu te drogues, soit tu pètes un câble et tout ça. Lui, il a trouvé ces trucs-là où il faut qu'il apprend au max, qu'il fasse tout et du coup, à bloc. Techniquement, il n'y a rien qui est inatteignable pour lui. Non. Je pense dans sa tête, en tout cas, pour lui, peu importe le défi, il le fera. C'est vrai, moi je pense aussi. Mais c'est marrant, hein. C'est ouf. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses quand même. Ben ouais. À côté de nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Il a appris le bushido, il a appris le japonais aussi. Les russes. Ouais, non mais c'est... Ah là là, l'italien il a appris. Non mais c'est marrant quand même. Non mais c'est vrai, t'as raison. Là tu vois, il va aller dans l'espace, donc il doit s'entraîner pour aller dans l'espace. Mais grave, non mais grave, c'est sûr. Ça se trouve, ça sert à rien. Mais c'est horrible. En même temps, il est payé des millions d'euros pour. De dollars. Pour pas beaucoup de travail. Donc, au moins. Bah, alors, du coup. Enfin, oui, il est payé très cher. Mais en vrai, effectivement, il fait peut-être un film par an. Mais déjà, ses tournages sont très longs parce qu'il y a toutes les cascades et tout. Et puis, tout le reste du temps, il est à l'entraînement, en fait. Eh, c'est ouf. Il s'est vraiment blindé dans sa vie pour jamais. Ça serait intéressant de voir sa vision. Sur les temps libres. Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Est-ce Je pense qu'il que prépare pour lui, ça n'existe pas. Quoi. Il est tellement concentré que sur... T'as cette sensation, hein. J'espère qu'il a du temps libre. Ouais. Enfin, je sais pas, après, tu vois, ses enfants... Si, des fois, il y a des images de lui avec son fils, il va avoir le baseball, des trucs comme ça. Oui, bon. Mais bon, c'est presque le boulot encore. Oui. Mais oui, est-ce qu'il a des loisirs? Est-ce que Tom Cruise a des loisirs, tu vois? Ils n'ont rien à voir avec ce qu'il fera. Ouais, peut-être. Tu vois? Parce et que même tu vois, Jim Carrey, il faisait de la peinture, par exemple. Ah bon? Ouais. D'accord. Il y a pas mal de gens qui font de la peinture. Ouais. Johnny Depp aussi faisait de la peinture. Oui, bon. Bon, pas ouf. Non, mais oui, oui, d'accord, ok, je vois. Bah, peut-être pas, hein. Non, peut-être mais. Bon, là, franchement, il faut qu'on l'a. Il faudrait trop l'interviewer. Ben oui, mais ce... un jour. Là, tu vois, je pense que on peut peut-être enfin avoir un contact avec Tom Cruise parce qu'on on diffuse des musiques de Rock of Ages avec sa voix dedans. Oula. Et en fait, elles sont assez difficilement trouvables, ces musiques. Oula. Toutes les bandes son, tu les trouves, mais jamais avec les morceaux de Tom Cruise. Donc peut-être, allez, on espère, on croise les doigts que ces avocats vont nous appeler à la mais suite. Mais non, espérons pas. Mais si, comme ça, on aura le numéro des avocats. On dirait bon, ok. On retire là. Maintenant, on mais peut discuter. Est-ce qu'il y a moyen de voir Monsieur Cruise parce qu'on a des oui, questions à lui voilà. poser, tu vois. Peut-être bien. Ça peut être. Dans... C'est ma technique. Moi, j'essaie d'appâter les avocats. Si on arrive par Rock of Ages, alors je monte la note. Ah, pas mal. Ça, c'est le réalisateur qui va être content. Voilà. Ok. Ok. Sur ce, les recommandations. Oui, tout Est-ce à fait. Est-ce que vous avez des recommandations ? Est-ce que vous avez... oui, j'ai des recommandations. Enfin, j'ai une recommandation. Ah, vas-y. Ouais, parce que tu vois, j'étais gêné par le truc de... c'est un film sur le rock, c'est un film rock, et je trouve ça pas méga rock, non, en fait. Je me suis dit, mais quel film t'as vu et rock, vraiment, tu vois, rock. Et je crois que c'est Bob l'éponge, le film, qui est sorti en 2004. What? Il est complètement rock, ce film. C'est vrai? Ah ouais. Mais genre, les drôle. Musiques ou... Il y a une musique qui est rock, qui est complètement débile. Et puis, de manière générale, je pense que Bob l'éponge est un personnage très, très rock. Oui, c'est sûr. Il est complètement... Il est complètement défoncé tout le temps. Ouais. Il n'a pas vraiment de limite. Il est et généreux. Donc, je pense que Bob l'éponge est un personnage rock. Et du coup, le film Trop Bob bien. L'éponge, pour moi, c'est un film rock. Voilà. Et ça s'appelle Bob l'éponge. Bob l'éponge, le film. Trop bien. Voilà. C'est celui qui est sorti en 2004 parce qu'ils ont dû en sortir d'autres. Moi, j'ai vu que celui-là. Et je... D'accord. Voilà. Mais même la série est très rock. Ah, mais la série, moi, j'adorais. J'adorais. Je sais pas. C'est voilà, bizarre. C'était ma recommandation, c'est Bob l'éponge. Trop bien. Trop bien. Parce et toi, que je suis jalouse. Quel est donc ? Alors, moi, j'ai pensé plutôt. Une comédie musicale qui reprend des chansons qui existent déjà. Chose qui s'est fait avec Moulin Rouge. Tu vois, des gens qui réfléchissent sur une comédie musicale sur des chansons un peu mythiques, souvent anglo-saxonnes. Anglo-saxonnes ? Non. Anglo-phone. Et là, un truc qui m'a vraiment... un film où je trouve vachement des parallèles, c'est Across the Universe. Ouais, je connais pas. Je le dis très mal, mais c'est un film 2007, je crois, fait par une réalisatrice dont je ne me rappelle absolument plus les noms, mais bon, qui reprend pas mal de chansons. En fait, c'est des chansons des Beatles. Okay. Et ils refont une histoire. Donc, bien sûr, il y a Judd. Et en fait, et c'est vraiment bien pensé. D'accord. Et c'est l'histoire. Après, l'histoire en soi, c'est un peu comme ces films, tu vois. C'est une histoire d'amour entre deux personnes et tout ça. Oui. Mais tu vois, déjà, les reprises des chansons, elles sont vraiment magnifiques. Déjà, tu vois les Beatles, tu dis waouh. Oui. Et en plus, ils font vraiment de belles reprises, très comédie musicale, mais très, très belles. Et le film, il a. Voilà, il a un peu du sens. Tu vois que les chansons, ils les utilisent sciemment. C'est pas juste, on prend les chansons des Beatles, on les met là comme ça. Chaque chanson a du sens à un moment de l'histoire. Donc, je trouve que c'est un bon exercice. C'est Rock of Ages, clairement raté. Ouais. Across the Universe, pas du tout. Voilà. Réalisé par Julie Taymor. Voilà. Je viens de chercher. Mais trop belle mise en scène de. Alors, je ne sais pas si c'était une comédie musicale à la base qui passait à Broadway ou si juste ils ont fait les films. Ça, je ne sais pas. Mais les films, vraiment, m'avaient plu. Ok. Trop bien. Voilà. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y avait un truc là dans Rock of Ages qui m'a fait péter un câble aussi. C'est qu'en fait, le Momok, il te dit vous montez sur scène, vous avez droit à trois morceaux, vous ne faites pas de reprises. Ouais, et c'est que des reprises. Et il n'y a que des reprises tout le temps dans le film. Donc, en fait, tu dis. Non mais... Cette phrase ne sert à rien déjà, et à part te mettre dans le truc de dire putain, te faire ressortir du film, encore un problème. Voilà. Et pareil, le truc, il chante tout le temps, il a la phobie du chant. Oui. Alors, ce truc-là, je comprends, c'est une comédie musicale, mais tu peux le faire. Les gars, ils peuvent être timides dans ces chansons en comédie musicale. Tu vois, ils peuvent jouer de ça. Oui, oui, oui. En fait, pas du tout. Il est à bloc, il est trop. Bon, bref, ouais. C'est nul. Et sinon, School of Rock. Ah, bah oui, avec Jack Black. Oui, c'est trop bien. Ouais. Franchement, pour un truc. C'est vrai que celui-là est très drôle avec les gosses et tout. Il est génial. Et là, tu apprends qu'est-ce que c'est les rock, parce que Jack Black, il y donne tout. Quoi. Puis il a un groupe de rock. C'est trop génial. Ah oui, oui, School of Rock, j'avais oublié. Ça, c'est vachement bien. Ça serait bien que le réalisateur il aille voir School of Rock. Il aille à l'école de rock. Voilà, oui, parce que c'est vrai que c'est un truc, c'est un film pour les plus jeunes, ouais, mais qui est vachement plus rock que mais ce grave. Truc. Grave. Ouais, ok. Voilà. Bon, allez. Ils ont des vraies reprises aussi intéressantes. Oui, c'est vrai. Les musiques, elles sont vraiment bien. Voilà. Alors, on se quitte. Oui. Mais pour se retrouver dans 2 semaines. Oui. Et dans 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait comme film? On fait Jack Reacher. Et Jack Reacher, pour info, ça reste quand même un petit peu le film le pour best. Lequel on a fait ce podcast. Juste pour pouvoir revoir Jack Reacher que moi, j'ai pas revu depuis 3 ans. Moi aussi, j'ai alors que ça, c'est le film. Quand t'es là, tu sais pas trop quoi regarder, tu dis ouais, Jack Reacher, moi, je serais bien. Et là, non. Donc là, ça y est, on va pouvoir le revoir, en parler. Et après, on pourra le revoir 15 fois et on sera bien. C'est bien. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour Jack Reacher. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, @cruzometer sur Twitter et Instagram. Ouais. Sur le site internet cruisecontrol.card.co. Oui. Vous avez tous les épisodes, tout ça, machin. Ou alors, après, on est sur toutes les applications que vous ouvrez, vous écoutez, vous mettez une petite étoile, un petit truc, on est content. Sinon, vous allez sur PodCloud, qui a un gros catalogue de podcasts et qui est aussi notre hébergeur. Ils font du travail formidable, ce sont de charmants Toulousains. Ouais. Et je dis ouais tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis voilà, on n'a rien d'autre. Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire? Non, je crois pas. On se laisse en écoutant la douce et mélodieuse voix de Tom dans le rôle de Stacy Jacks. Bisous. Bisous, les rockers. I'm looking.